Pierre Hilard. La France dans l'éto-germano-anglo-saxon. Conférence organisée le vendredi 17 mai 2013, à Lyon, par l'Organisation Égalité et Réconciliation de Lyon. Fichier audio fourni par MP3 Résistance. Merci de cette invitation pour traiter d'un sujet intitulé « La France dans l'étau germano-anglo-saxon ». Alors, un topo d'une heure à peu près, bon, et les questions pour les personnes qui le souhaitent, évidemment. Alors, en gros, ce topo va évidemment parler du rôle du monde anglo-saxon, de l'Allemagne, du monde germanique, en Europe, dans le monde, et puis à l'égard de la France. Situation actuelle, mais aussi vision, connaissance du passé. Parce que vous allez voir que ce que la France connaît aujourd'hui, finalement, c'est une énième tentative pour la phagocyter, pour l'engloutir. Et là, j'avoue que la France a connu des creux de vague, mais alors celui que l'on connaît fin 20e, début 21e siècle, là, vraiment, c'est la dépression. Mais l'espoir fait vivre et il n'empêche que j'ai bon espoir que l'on remonte la pente, même si on aura, je pense, un prix à payer. Mais il n'empêche que... Cette France est finalement engluée de plus en plus dans le projet européen. Projet européen, donc, depuis le fameux traité de Rome de 1957. Et il y a dans cette histoire, finalement, deux influences essentielles. Le monde anglo-saxon, et quand on dit le monde anglo-saxon, c'est le Royaume-Uni, avec le Commonwealth, et ça, déjà... On l'oublie, le Commonwealth, puissance financière, puissance relais du monde britannique et de sa philosophie. Les États-Unis, ça va de soi, c'est la création coloniale britannique. Et puis, de l'autre bord, vous avez le monde allemand, le monde germanique. Ces deux éléments jouent un rôle capital et, théoriquement, ils ont gagné. J'ai dit théoriquement, sinon je m'arrêterai. Théoriquement, ils ont gagné la partie parce qu'ils ont tout en main. Les moyens financiers, les médias, un but bien défini et la chance d'avoir des hommes politiques français veulent. Avec ça, on peut aller loin. La France de Hollande, de François Hollande, d'un président de la République, la France de Hollande est soumise au diktat de Bruxelles. Et vous avez eu, il y a 2-3 jours de ça, François Hollande qui est allé à Bruxelles et qui a plaidé devant 27 commissaires afin d'obtenir des facilités, des arrangements. Donc déjà, on voit qui a le pouvoir, c'est le vassal qui va quémander, pour favor, est-ce que je peux avoir le droit de faire ceci, cela, et l'autorité régnante, majestueuse, qui dit oui, qui donne un droit à François Hollande de remettre les choses en place, un droit de 2 ans. Vous savez, la France doit obligatoirement, selon les canons de l'européisme, avoir un déficit inférieur à 3%. Et donc, il a droit à 2 ans. Et vous allez voir, les 2 ans ne sont pas l'effet du hasard, mais j'en parlerai un peu tout à l'heure. Ce pôle européen qui se met en place, il se met en place en particulier avec la puissance de plus en plus grande, en tout cas de plus en plus visible, de l'Allemagne. Berlin donne le ton. Et la Commission européenne, finalement, ne fait que appliquer des mesures voulues et dictées par le monde politique allemand. Et quand je dis monde politique, certes, c'est Merkel, la chancelière, mais il ne faut pas oublier le monde de la finance et le grand patronat germanique. Mais ce pôle européen qui s'organise selon les principes allemands, construction européenne et avec la cure d'austérité, tout ça, ça se fait avec l'assentiment de Londres et de Washington. Et on assiste en particulier actuellement à un libéralisme effréné qui remet en cause le droit du travail avec plus de flexibilité, une protection sociale qui s'évanouit, remboursement des soins de médicaments qui diminue, et ce n'est pas l'effet du hasard. Et c'est ça qui est terrible, c'est que la plupart des Français vont voir uniquement ces éléments qui sont véritables, mais ils ne comprennent pas que, en fait, ça rentre dans une politique de grande envergure, qu'on va voir dans les minutes qui suivent. Le premier pays, finalement, à avoir donné le ton, c'est l'Allemagne, au début des années 2000, avec le chancelier Schröder, avec les réformes Hartz IV, qui est une réforme qui, finalement, sert le kiki aux travailleurs allemands, et on assiste à une paupérisation du peuple allemand. Et c'est amusant de voir que c'est un socialiste officiellement proche du peuple, défenseur de la cause de l'ouvrier, etc., qui finalement a imposé les pires mesures du libéralisme en Allemagne. Et il est vrai qu'en France, c'est pareil, puisque les plus grandes mesures en faveur du libéralisme ont été prises au temps de Jospin. Donc vraiment, les socialistes jouent un rôle. Mais attention, l'UMP a un très bon CV. Il ne faut quand même pas les dénigrer. En fait, dans le cas de l'Allemagne, on assiste à l'émergence d'une hyperclasse. Une hyperclasse qui capte les richesses de l'Allemagne, en tout cas de la masse qui se paupérise. Mais ce principe se généralise partout. Vous voyez par exemple le cas des États-Unis, un pays de plus de 300 millions d'habitants. Vous avez officiellement un chômage qui tourne, alors évidemment un chômage dont les chiffres sont trafiqués autour de 7, 6, 7, 7, 7, 8. Mais en fait, quand vous avez 50 à 60 millions d'Américains qui dépendent de coupons alimentaires, le chômage, ce n'est pas 7, 6, 7, 7, 7, 8. Voilà. Alors, vous avez entre un quart et un cinquième de la population américaine qui a besoin de bons alimentaires pour ne pas crever de faim. Et on voit donc une toute petite minorité qui s'accapare les pouvoirs économiques et financiers. Et je vais vous citer la phrase archi-officielle d'un... On parle par exemple de Bill Gates, mais vous avez un Américain puissant, financièrement très puissant, qui s'appelle Warren Buffett, qui en 2004 a dit ceci, et je cite la phrase: « Il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe. La classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. » Et en fait, on se dirige de plus en plus, et je le dis souvent dans des conférences, dans ces films de science-fiction où vous avez la cité ultra-moderne, ultra-hygiénique, ultra-efficace, régie par un tout petit groupe d'hommes et de femmes, et ultra-protégée. Et au dehors de cette cité ultra-moderne, vous avez une masse de la population qui vit dans une zone urbaine plus ou moins sauvage, retournée à l'état de, je ne vais pas dire de l'époque Cro-Magnon, mais enfin une époque rude. Et on voit qu'il y a un petit groupe qui se dégage, et puis le reste qui, peu à peu, bien, va devoir vivre avec ses propres moyens. Cette politique, qui vraiment s'accélère depuis la chute du mur de Berlin, c'est cette fameuse déréglementation qu'on voit grâce à la politique de la Commission européenne avec l'Allemagne, mais aussi le rôle de l'Angleterre. Margaret Thatcher a joué un très grand rôle pour diffuser le poison du libéralisme dans le corps européen. Et le monde anglo-saxon et le monde germanique sont les véritables... C'est le véritable couple. Il n'y a pas de couple franco-allemand. On parle de l'amitié franco-allemande. Il faut arrêter avec les sentiments. Dans les rapports entre les États, les sentiments n'existent pas. Déjà, les rapports d'amitié et d'amour entre deux personnes sont des choses rares. Alors, entre États avec des intérêts financiers, géopolitiques, il ne faut pas rêver. Je veux bien qu'on me parle d'amitié franco-allemande quand on a un coup dans le nez, ça d'accord. Mais quand on est à jeun, non. Bon. Il y a, au mois d'avril, il y a quelques semaines de ça, la chancelière Merkel et le premier ministre britannique Cameron et toute sa famille sont venus, enfin il est venu lui à Meseberg, qui est un château qui appartient au monde politique allemand, qui est au nord de Berlin. Et en fait, c'est très, très intéressant de voir ce couple politique discuter des mesures à prendre pour vraiment régenter toute l'Europe selon les normes politiques et philosophiques du monde anglo-saxon et du monde germanique, c'est-à-dire union fiscale, droit du travail de plus en plus, j'allais dire, oppresseur. Et on voit que c'est eux qui marquent, qui vraiment donnent le ton. Et la France, dans cette histoire, bien, c'est le dindon de la farce. Vous avez une BCE, la Banque Centrale Européenne de Francfort, qui est simplement une Bundesbank européanisée. D'ailleurs, je crois que le règlement de la BCE, c'est le décalque de la Bundesbank. Impossibilité de dévaluer la monnaie. Lorsqu'on n'est pas maître des cordons de la bourse, on est maître de rien. Simplement penser à la maîtresse de maison qui n'est pas maîtresse de son argent pour faire les courses, ben quand c'est pareil pour un État, on va pas loin. Et donc on voit que les États sont littéralement soumis, la France en particulier, à un ordre, à une doxa économique, philosophique venant de Bruxelles mais de Francfort. Et vous avez entre autres le fait, et depuis peu de temps, où la Commission européenne a un droit de regard sur les budgets des États. Donc quand ces budgets dérapent, la Commission européenne sort sa règle et tape sur les doigts. Donc c'est vraiment le pouvoir à Bruxelles, à Francfort, et puis Berlin, et puis Londres et Washington. Et c'est ça qui est malheureux. Les Français qui ont voté Hollande, comme ceux qui ont voté pour Sarkozy en 2012, n'ont pas compris que ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Le changement, pauvres gens, quand ils disent le changement, c'est... Et je ne veux pas être vache. Il y a 30 ans, ceux qui se sont fait avoir en votant Mitterrand, qui a vraiment bien lancé le principe, je comprends. Mais aujourd'hui, depuis de nombreuses années, il y a Internet. Bon, on s'intéresse. On est un peu curieux. Et très rapidement, quand Sarkozy a préparé sa campagne présidentielle, quand il était ministre de l'Intérieur, bon, journal de 20 heures, on n'apprend rien. Mais quelquefois, il est intéressant de voir comment il présente le rien. Et il y a eu, quelquefois, le système présente des imperfections. Et quand Sarkozy préparait le chemin menant à son élection en 2007, il est allé aux États-Unis, il a prononcé un discours en septembre 2006. Enfin, je raconte ça dans un de mes livres, je n'ai plus la date. Enfin, septembre 2006, à New York. Et il y avait un écriteau sur la tribune. Et en lisant l'écriteau, je vois « French American Foundation ». C'est quoi ça ? Évidemment, le journaliste n'avait pas relevé le nom de cet institut. Et évidemment, ben, suffisait de regarder sur Internet que c'était un institut franco-américain soutenu par les élites américaines et françaises pour promouvoir l'atlantisme, mais au sein de la France et du monde américain. Et François Hollande est un young leaders de la fondation franco-américaine, puisque cette fondation franco-américaine recrute les personnes, je cite, « appelées à occuper des postes élevés ». Donc, c'est révélateur. Mais bon, il n'y a pas que François Hollande. Il y a aussi Belkacem, il y a aussi Moscovici. Puis de l'autre côté, l'UMP, vous avez Valérie Pécresse. Vous savez, la rangée dedans. Il y a aussi Laurent Wauquiez. Enfin bon, donc le système, la Fondation franco-américaine, peu importe celui qui gagne, la Fondation franco-américaine trouve ses petits à l'Élysée et à Matignon. L'Europe du Nord, l'Europe anglo-germanique, impose sa loi aux Européens du Sud, aux Italiens, aux Espagnols et aux Grecs. Alors, c'est ça qui est terrible. Les peuples du Sud ont leur qualité. Et je précise tout de suite, la civilisation, elle n'est pas scandinave. Elle est grecque, elle est italienne. En tout cas pour l'Europe. Rome et Athènes, et le christianisme en plus. Donc ça fait toujours mal de voir que c'est l'Europe du Nord, ces vikings mal dégrossis qui imposent aux Romains. Et bon, mais s'ils imposent leurs lois, c'est que les gens du Sud, italiens, grecs, c'est un peu bordélique. Et donc, ils se font avoir parce qu'on va s'arranger, mon frère. Ben, l'Allemand arrive, lui, selon les bonnes traditions d'autrefois, point 1, point 2, point 3, et ben, le grec et l'italien qui voudraient des arrangements, il n'y a pas d'arrangement, et je claque. Alors évidemment, il y a confrontation de tourne d'esprit, et ça ne colle pas. En fait, c'est la méthode, l'esprit germanique, pour la rigueur des finances, etc., qui est appliquée à des gens du Sud. Alors là, c'est faire marcher un Italien au pas de loi, c'est impossible. Alors donc, vous avez un problème relationnel entre l'Europe du Nord et du Sud. Mais une chose qui est très intéressante, c'est que ces pays du Sud, qui sont vraiment en état de javelisation profonde, le chômage qui explose, la pauvreté, la misère, ça rend service à l'Allemagne. L'Allemagne a une démographie catastrophique. Elle n'assure plus le renouvellement des générations. Et il y a 15 jours, 3 semaines de ça, Angela Merkel a participé à un congrès pour appeler à améliorer le marché intérieur européen. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, c'est simple, d'ici à 2025, l'Allemagne va perdre 6 millions d'actifs. Donc ça va être un coup rude pour l'économie allemande, pour les performances en tout cas. Et si elle veut, améliorer les règles gérant le marché intérieur européen, c'est qu'elle veut, elle l'a dit en toutes lettres, favoriser l'arrivée de jeunes actifs compétents grecs, portugais, grecs, italiens, pour remplacer les 6 millions d'actifs qui vont disparaître d'ici à 2025 en Allemagne. En fait, c'est la version moderne du STO, service travail obligatoire d'heureuse mémoire dans les années 40. Mais là, bon, c'est version démocratique, enfin, entre guillemets. Et donc, finalement, ce qui se passe dans les pays du Sud, c'est une manière de, pour l'Allemagne d'en profiter. Elle va réussir à capter des richesses de gens compétents dans tous les domaines pour boucher les trous en raison d'une démographie catastrophique. Et puis, il y a une chose qui aide aussi l'Allemagne, c'est le principe de régionalisation. J'en ai parlé énormément. La régionalisation, ça a été voulu par l'Allemagne. À l'origine, c'est un député allemand au Land de Basse-Saxe qui s'appelait Peter Rabe qui a lancé le projet. Mais évidemment, il n'était pas seul. Et entre autres, il était député du Land de Basse-Saxe qui, dans les années 90, était dirigé par un ministre-président qui s'appelait Gerhard Schröder, qui est donc devenu chancelier. Et donc l'Allemagne a lancé ce principe de régionalisation qui en lui-même n'est pas mauvais, mais à condition que la région reste sous l'autorité nationale. Or, le problème, c'est que la région, la province, je préfère ce terme-là, mais enfin bon, la région devient de plus en plus supranationale, dépend de plus en plus de Bruxelles et de moins en moins de l'autorité nationale. Puis dernièrement, il y a quelques jours de ça, vous avez eu, vraiment, cette régionalisation touche tous les secteurs. Vous savez, les conseils régionaux en France, l'adresse internet, c'est .fr. Eh bien, pour l'Alsace, depuis 2003-2004, le Conseil régional alsacien, ce n'est plus .fr, mais .eu, pour Union européenne en anglais. Pour l'Espagne, pour la Catalogne, c'est la généralité de Catalogne, c'est .cat pour Catalogne. Donc, dans les deux cas, le référent national disparaît. Et puis, il y a quelques jours de ça, eh bien, la Bretagne vient d'obtenir son adresse internet BZH. Pour ceux qui ne connaissent pas, BZH, c'est Brezetao en breton. Bretagne toujours, je crois que c'est ça. C'est mes quelques mots de breton. Je suis breton, bon. Je sais dire Kenavo, au revoir, et Pelgoms, téléphone. Ça ne va pas plus loin. Avec ça, je ne sais même pas dire crêpe en breton. Bon. En fait, on assiste à vraiment un renforcement de la régionalisation qui rentre dans cette volonté. En fait, quand vous voulez bien digérer, il faut bien mâcher. Eh bien, pour mâcher les États à la sauce libérale, il faut les fractionner. Et là, on digère. Et des États fractionnés, des régions disjointes, ce sont des régions qui vont être soumises plus facilement à Bruxelles et à Francfort qu'un État solidement raciné sur une tradition séculaire. Et je parlais des Anglais, du Commonwealth, des Allemands, mais les Américains aussi jouent un rôle. Il est quand même étonnant de voir les Américains, au temps de la guerre froide, dans un journal américain, le Herald Tribune, du 16 septembre 1974, présentait un prototype d'Europe de l'Ouest régionalisée. Donc on voit que les Américains, quand je dis Américains, les élites américaines, politiques, financières, s'intéressaient à la régionalisation de l'Europe. On se dit, mais pourquoi ? Évidemment, il y a des raisons, parce que c'est plus facile à absorber dans la philosophie libérale. Et puis, je rappelle toujours cet extraordinaire discours du président Clinton en 2000, lorsqu'il a reçu la plus haute distinction en faveur de la construction européenne. Je reprends, président américain qui reçoit la plus haute distinction en faveur de la construction européenne. On se dit, attendez, président des États-Unis, c'est pas européen. Eh bien, si. Il a reçu la plus haute distinction, comme Henry Kissinger, d'ailleurs, en 1987. Bon. Et il a ce fameux discours que je cite dans ce livre, où il rend hommage à la régionalisation de l'Europe. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, les lobbies anglo-saxons et américains s'adressent directement aux représentations régionales présentes à Bruxelles sans passer par les États. Et il va de soi que, les États étant court-circuités, il est beaucoup plus facile d'imposer une vision des choses et un modèle politique et économique. Dans cette histoire, l'Allemagne est vraiment la figure de proue. En fait, en raison de sa tradition fédérale et historique des Länder. Et vous savez, il y a des lois dans l'histoire de l'humanité qui ne changent pas. Qui a l'argent impose sa loi. Ça, c'est une règle d'or. Vous avez eu dernièrement le référendum raté en Alsace. qui avait pour but de fusionner les départements et créer une entité unique. Le principe en lui-même est bon, car il est bon de rendre à l'Alsace sa frontière historique, la province. Si ça s'arrête là, c'est très bien. Mais évidemment, c'était l'arbre qui cachait la forêt. L'objectif, c'était en fait de fusionner l'Alsace avec le pays de Bade pour créer une seule entité. D'ailleurs, pour ceux qui ont le livre, j'ai la carte officielle où vous avez l'Alsace et le pays de Bade réunis en une seule entité. Mais donc, avant de pouvoir le faire, il fallait donc fusionner l'Alsace. Bon. Quel argent impose sa loi ? Il est très intéressant de voir la puissance financière des Länder et du Bade-Württemberg. Le budget du Bade-Württemberg, budget annuel, c'est environ 35 milliards d'euros. Le budget de toutes les régions françaises, c'est environ 23 milliards d'euros. Donc vous avez un land, le land du Bade-Württemberg, qui a un budget supérieur à toutes les régions françaises. Donc vous voyez déjà le rapport de force. Et pour la petite histoire, le budget de tous les Länder, c'est grosso modo 290 milliards d'euros. Budget des régions françaises, 23 milliards. C'est-à-dire que les budgets des Länder supérieurs en gros de 12 à 13 fois. Donc, c'est le principe du rapport de force, de la pompe aspirante. C'est là où il y a la richesse, qu'il y a l'attraction. C'est comme les trous noirs. Et donc, les régions françaises, italiennes, polonaises, tchèques, qui obtiennent une autonomie politique, fiscale, administrative, sont comme aspirées, attirés par cette puissance financière économique. Voilà. Donc, heureusement, les Alsaciens ont dit non dans quelques semaines. Mais vous savez, les Français et les Hollandais ont dit non aussi en 2005. Et les Européens sont contournés. Donc, on a gagné une bataille, mais sûrement pas la guerre. Mais malheureusement, je crois que beaucoup d'Alsaciens n'ont pas compris la raison profonde de ce référendum. Dans ce rapport de force, vous savez, il faut toujours rester classique. Quand on veut être moderne, il faut être classique. Et il y a la phrase d'un écrivain français qui est mort à presque 100 ans, 1650, à peu près, je n'ai pas les dates exactes, qui s'appelait Fontenelle, et qui a une phrase très belle. Il a dit « La politique, comme les lois de la physique, se règle par nombre, poids et mesure. » C'est en soi la construction classique ordonnée. Et il voulait dire par là que, je prends l'exemple de l'Allemagne, au cœur de l'Europe, première puissance économique et financière, disposant de Länder riches, c'est le cœur le plus solide qui est, j'allais dire, le trou noir de l'Europe, qui va permettre à toutes les régions de s'agglutiner. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc fractionner pour mieux absorber, mieux digérer. Mais ces constructions européennes n'est pas une finalité, c'est une étape. Car le véritable couvre-chef dans cette histoire, c'est la création d'un marché transatlantique qui a été officiellement lancé par le président Obama lors de son discours sur l'état de l'Union. Et nos hommes politiques et les médias se sont étonnés, sidérés, marché transatlantique. Alors que la chose, mon bouquin est sorti en 2004, il porte le sous-titre de l'Union euro-atlantique à l'état mondial, où à l'époque j'avais recensé déjà pas mal de documents montrant cette volonté très ancienne de lancer un marché transatlantique, un OTAN économique finalement. Et donc tout le monde s'est étonné. Et pour réussir ce marché transatlantique, qui aussi porte une autre, qui est prolongé d'une autre expression et qui est très importante, c'est marché transatlantique sans entrave. Ah, entrave de quoi ? Et là, je reviens à ce que je disais au début. Droit du travail. Les soins des médicaments. C'est-à-dire qu'en fait, il faut ne pas être enquiquiné par des droits qui protègent les Français, enfin les Européens, des droits sociaux. Et ce qui se passe actuellement avec le gouvernement Hollande, où vous avez eu il y a quelques jours de ça, l'adoption par l'Assemblée nationale et puis par le Sénat, de ce qu'ils appellent, alors là c'est Orwell, la sécurisation de l'emploi. Où en fait, sécurisation de l'emploi, en fait c'est le CDI qui saute, c'est-à-dire que le patron, là je vais parler en homme de gauche, enfin un marxiste, mais là je reconnais que c'est... Bon, ça me fait drôle. Eh bien, le patron va pouvoir exiger de la part de son employé certaines choses, et abaisser le travail, le salaire, changer de poste, l'obliger à travailler à 500 km de sa ville. Et si l'employé n'est pas d'accord, eh ben, il pourrait être viré. Sécurisation de l'emploi. Et c'est entre autres, alors, cette sécurisation de l'emploi, et c'est là où on voit que, bon, les socialistes, je dois dire une chose, ça a été adopté là par le Sénat, les seuls à avoir voté contre, et je dis merci, ce sont les communistes. Les communistes ont, les seuls à voter, ont voté contre. Les socialos ont voté pour, le centre aussi, mais eux, ils bouffent à tous les râteliers, et l'UMP, dont l'idéal de vie, c'est le froc aux chevilles, se sont abstenus. Ils se sont abstenus. On n'est pas pour, on n'est pas contre. Bon. Sauf quelques-uns, évidemment, qui ont voté contre. Mais voilà. Et c'est dramatique parce que cette fameuse sécurisation de l'emploi, en fait, a été précédée par ce qu'on appelle l'ANI. L'ANI, c'est l'accord national interprofessionnel qui a été donc signé entre le patronat et certains partis, enfin certains syndicats, pas tous. La CGT s'y est opposée, il faut le reconnaître. Et vous avez, entre autres, je cite l'article 18 de l'ANI, vous pouvez voir ça sur Internet, qui dit que lorsqu'un employé refuse qu'on lui abaisse, enfin qu'on baisse le salaire, il peut être viré. Donc vous voyez, c'est... Alors pourquoi on fait ça ? Mais parce qu'il faut créer un monde où le français, l'italien, l'espagnol, etc., ne sont plus protégés pour être taillables et corvéables à merci dans ce marché transatlantique. Il ne peut reposer que sur des fondations où d'abord on a tout broyé. C'est ça. Donc vous voyez que toutes ces réformes faites par Hollande, c'est pour préparer le terrain à une étape supérieure. Je rappelle que François Hollande est Young Leaders. Young Leaders, Fondation franco-américaine. Donc il fait le boulot. Jamais il ne serait arrivé au pouvoir si vraiment il avait une vision nationale et patriote. Bon. Sarkozy, pareil. Donc vous avez deux piliers qui se mettent en place pour ce marché transatlantique. Le pôle européen, avec l'Allemagne et le monde anglo-saxon derrière. Et puis de l'autre côté, le pôle nord-américain. Je ne dis même pas États-Unis, mais pôle nord-américain. États-Unis, Canada, Mexique. Car l'objectif, c'est de créer un bloc nord-américain qui, en théorie, devait voir le jour en 2010. Mais là aussi, c'est jamais réglo. Mais le projet, d'après ce que j'ai pu lire dernièrement, il commence à s'accélérer. Puis la crise économique et la dette, l'endettement faramineux de l'État américain va favoriser cette mutation. Comme disait Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir, c'est-à-dire qu'on crée des situations dramatiques pour justifier des mesures qui n'auraient pas pu être mises en place si le malheur n'existait pas. N'oubliez pas qu'on vit dans le règne de la perversité. Et les anglo-saxons sont les meilleurs pour ça. Donc, l'objectif, c'est de mettre l'Europe aux normes du marché transatlantique. Ce marché transatlantique, c'est dans l'optique des anglo-américains et des allemands pour faire aussi contrepoids à des puissances émergentes comme la Chine. Et en gros, ce marché transatlantique, c'est quoi ? C'est 40% du PIB mondial et environ 700 milliards d'échanges de biens de services. Donc ça a vraiment un pôle et à peu près 13 à 14 millions d'euros américains à dépendre des échanges de part et d'autre de l'Atlantique. Donc ce serait vraiment un pôle pour contrer la Chine. Et ce marché transatlantique doit, en théorie, normalement, c'est officiel, si ça ne capote pas d'ici là, être lancé officiellement lors de la réunion du G8 en juin prochain en Irlande du Nord. Et le Premier ministre anglais, Cameron, a dit que tout devait être mis sur la table pour réussir ce marché transatlantique. Bon, petite remarque, je vais vous parler de Hollande, qui est allé plaider sa cause, un genou à terre, devant les 27 commissaires. Qui lui ont accordé 2 ans de répit, 2 ans pour mettre le pays aux normes. 2 ans, 2013-2015. Car ce marché transatlantique doit avoir le jour, en théorie, en 2015. Donc il faut d'ici là que la France se dépêche pour se mettre à niveau en fonction de ce modèle qui arrive en bout de course. C'est une construction mécano. Vous savez, c'est comme vous avez pour un pont, vous avez les piliers, puis vous avez le tablier. Le tablier, on peut le poser que si les piliers sont déjà là. Donc il faut que la France, qui fait partie du pilier européen, soit aux normes pour permettre au tablier du marché transatlantique de se poser. Donc il a vraiment 2 ans et pas plus. Donc il se dépêche. Je souligne une chose, c'est que ce bloc euro-atlantique avait été déjà annoncé par le président Kennedy dans son discours en 1962, a été déjà annoncé depuis belle lurette par la Commission européenne. Vous avez tous les textes du marché transatlantique, tous les documents sur le site de la Commission européenne. Il n'y a qu'à lire. Commission européenne. Et puis, vous avez tous les travaux, ça j'en ai parlé très souvent dans les conférences, du rôle des think tanks anglo-américains et allemands. Donc vraiment, ce marché transatlantique, pour tous les défenseurs de la cause nationale et ceux qui veulent, qui cherchent à pourfendre le libéralisme, devrait être, comment dire, réveiller les consciences. Or, je constate que le Front National, qui se targue de défendre la cause nationale, la cause de l'ouvrier, qui est quand même la cause de l'employé, du cadre moyen, peu importe, tout le monde passera la casserole, le Front National, je ne l'ai pas entendu, au 1er mai, par exemple, pour Marine Le Pen, parler du marché transatlantique. Alors que c'est le couvre-chef général qui va nous foudroyer. Rien. Le seul à en parler, mais là, c'est pour des raisons idéologiques, c'est Mélenchon. Mais là, il en a parlé avec, par exemple, l'émission de Bourdin. Voilà, il en a parlé, ça, je le reconnais, il l'a fait. Mais le Front National, à ma connaissance, s'il l'a fait, c'est vraiment en catimini. Donc, ben, pour des gens qui défendent la cause patriote, c'est plutôt un mauvais point. Mais ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier, je pense. Dans cette répartition, dans la création du bloc euro, enfin du bloc euro-atlantique, la création du pôle européen, vous avez une répartition, une Arbeitsteilung, comme disait Schröder, répartition du travail entre le monde anglais, enfin le monde anglo-saxon et le monde germanique. Vous savez, vous avez donc deux guerres mondiales. Et on vous balance toujours la tarte à la crème du style les Anglais, les Américains ont combattu l'Allemagne, le Deuxième Reich en 14-18, le Troisième, 39-45, pour la liberté, pour la dignité de l'homme. Bon, ça c'est la pub, d'accord. En fait, la raison, elle est simple. Les Anglo-Américains auraient accepté une domination de l'Allemagne sur l'Europe à condition, que ce soit Guillaume II ou Adolphe, hein, à condition que cette domination allemande sur l'Europe se fasse sous la responsabilité suprême du monde anglo-américain. Guillaume II en 1914 et Tonton Adolphe en 39-40 ne voulaient pas de supérieur anglo-américain. C'est uniquement ça. Et après avoir pris deux fessées, les Allemands ont compris, pour le moment, qu'il ne pouvait être que le sergent-chef de l'Europe avec un patron anglo-américain. Je dis bien pour le moment, parce que l'histoire n'est jamais linéaire, il y a toujours des déviations. Mais pour le moment, l'Allemagne accepte la tutelle anglo-américaine, qui est de mettre en place une Europe dirigée par l'Allemagne, mais emboîtée dans un monde plus large, mais lui sous domination anglo-américaine, avec Israël un peu dans un coin. Bon. Alors, la France, dans cette histoire, elle est broyée, parce que tout simplement, les élites françaises sont vendues. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Donc la France est sur le point de devenir ce que j'appelle une province du Saint-Empire transatlantique. Vous avez eu un Saint-Empire romain-germanique et là, vous avez la mise en place d'un Saint-Empire transatlantique. Cependant, ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la énième tentative de mainmise des anglo-américains, du monde anglo-saxon, du monde germanique sur la France. Et ce qu'on voit, finalement, c'est une politique de très grande envergure, mais qui n'est pas nouvelle. Et pour comprendre une situation actuelle, il faut toujours se nourrir du passé. Nous sommes tributaires du passé, en bien comme en mal. C'est pourquoi je vais faire un rappel historique rapide, les grandes lignes des volontés germano-anglo-saxonnes de broyer la France. Et vous allez voir que finalement, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Avec la seule différence, c'est qu'autrefois, nos dirigeants, sauf exception, l'exception ne me vient pas à l'esprit, vraiment voulaient défendre le pays. Alors qu'aujourd'hui, c'est le cran au-dessous, ils le vendent. Pour comprendre cette situation, le monde français a toujours été confronté depuis son existence à la menace germano-anglo-saxonne. Vous avez, après la chute de l'Empire romain, la naissance d'un embryon de France avec le baptême, la conversion et le baptême de Clovis en 496. Conversion qui se fait en fait suite à une guerre contre les Alamans. Déjà les Alamans donc c'était la région de la Rhénanie, posait des problèmes. Et Clovis, qui était marié à une sainte femme, sainte Clotilde, prenant cette fameuse prière, parce qu'il était sur le point d'être battu, « Au Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien. » Et il gagne. Et c'était un homme de parole, il s'est converti. Et c'est très important parce que là, on a la marque de fabrique de la France. Pourquoi ? D'abord, on a la création de la première entité politique française structurée qui va s'associer à la seule autorité restée valide, solide après la chute de l'Empire romain, le clergé. Le clergé gallo-romain. On est dans les années 480, 490, 500. Et ce clergé gallo-romain est lui-même menacé par une hérésie qui fait des ravages à l'époque, mais qui est en même temps très moderne, vous allez voir pourquoi, qui est l'arianisme. Rien à voir avec Arien, les Germains. L'arianisme, c'est le nom d'un théologien qui s'appelait Arius et qui remettait en... qui est un homme de l'Afrique du Nord, à l'époque où elle était chrétienne, et qui remettait en cause le dogme de la Sainte Trinité. Et en fait, il était sous l'influence du judaïsme talmudique. Bon, ça, c'est une tradition qui se répète. Le judaïsme talmudique s'est toujours attaqué au dogme du catholicisme ou même de l'orthodoxie. Vous avez, par exemple, il faut lire Solzhenitsyn, « Deux siècles ensemble », les relations entre le monde russe et le monde juif, où au fin 15e siècle, le judaïsme avait contaminé l'orthodoxie à un tel point qu'il ne restait plus vraiment une orthodoxie véritable et qu'on appelait cette religion la secte des judaïsants. Donc il y a toujours une volonté de détruire les caractéristiques propres du christianisme. Et donc déjà, bis repetita, la chose se produit avec Arius. Et c'est très important ce qui se passe parce que lorsqu'il se convertit, Clovis, à la différence des autres rois germaniques qui s'étaient convertis à l'arianisme, lui se convertit à la foi catholique et il va s'allier au clergé catholique, au clergé gallo-romain, rester fidèle au classicisme. Et donc on a deux pôles distincts, et je précise distincts, parce que dans l'hérésie arienne, c'était ce qu'on appelait le césaro-papisme, la fusion du spirituel et du temporel, qui est le caractère révolutionnaire du catholicisme, depuis la phrase du Christ « Rendez à César ce qui est à César », et qui est la distinction fondamentale entre donc christianisme et l'islam, qui fusionne le spirituel et le temporel. Et donc vous avez l'émergence d'un embryon de France où vous avez deux pouvoirs établis, un pouvoir politique reconnu du pouvoir religieux, mais distinct. Et ils s'entraident. C'est la marque de fabrique de la France. C'est l'âme de la France. Et en dehors de cela, il n'y a plus de France. Bon. Cet embryon de France va, avec les Mérovingiens, les Carolingiens, tout doucement prendre du poids. Oh, très léger. Et vous avez le véritable démarrage avec le Capétien Hucapet 987. Et Capet, en fait, il est roi de France, mais de Paris, la région parisienne, c'est vraiment minuscule. Et vous avez, quasiment à la même époque, un immense empire qui a été créé en 962, qui est le Saint-Empire romain germanique. Immense, qui fait des centaines et des centaines de kilomètres carrés et qui écrase de toute sa puissance. Et donc là, déjà, la France, avec ses petits moyens financiers, ses petits moyens démographiques, la France est confrontée à cette masse germanique qui est sur le point de fondre sur elle. Il faut savoir que géographiquement, la France est au carrefour entre les Pyrénées, les Alpes, le Rhin et la plaine du Nord. Et donc, contrôler ce carrefour, c'est imposer sa marque. Et donc, tous les pays limitrophes, et le monde germanique et le monde anglo-saxon, ont toujours eu envie de contrôler ce carrefour. Et ce carrefour, il est merveilleux parce que la France est le jardin de l'Europe, comme disait un écrivain allemand, Zibourg, vivre comme Dieu en France. Tout un programme. Et puis un pays de fromage. Enfin bref. Et donc, quand on est un beau pays avec de beaux paysages, des qualités, on a envie de se l'approprier. Et le monde germanique va tout faire. Le monde germanique et le monde anglais. Parce que cette monarchie française qui vraiment démarre véritablement avec les Capétiens, Hucapet 987, et qui prend du poids par la suite, arrive à un moment donné à un croisement de chemin où là, vraiment, c'est à la vie ou à la mort. Vous avez un roi de France qui est un des plus grands génies et homme politique hors norme, qui est Philippe Auguste. Philippe Auguste qui meurt, pour vous situer un peu, en 1223. Et durant son règne, il s'est passé un événement capital. Nous sommes en 2013, nous sommes toujours dépendants, ou sous l'influence en tout cas, de l'événement. Vous avez, en 2014, la bataille de Bouvines, le 27 juillet 1214, qui est absolument capitale pour l'histoire de France et du monde britannique. Pourquoi ? Vous avez un empire germanique, le Saint-Empire romain germanique immense, dirigé par l'empereur Othon IV. Et vous avez l'Angleterre, dirigée par Jean sans Terre. Jean sans Terre, qui, outre le fait de posséder l'Angleterre, possède aussi tout l'ouest de la France, de la Normandie jusqu'à la Gascogne, grosso modo. Pourquoi ? Parce que quelques générations auparavant, sa grand-mère ou arrière-grand-mère, Aliénor d'Aquitaine, avait apporté en dot tout l'ouest de la France au roi d'Angleterre. Et donc, on a un royaume de France qui fait l'île de France jusqu'à Orléans et pris en tenaille entre à l'est le monde germanique, au nord l'Angleterre et toute la côte ouest occupée par les Anglais, en fait les colonies. L'Angleterre a toujours une vision coloniale, les dominions. Et donc pris en tenaille. Et là, Jean sans Terre et Othon IV veulent la peau de Philippe Auguste et veulent s'approprier son territoire. Et c'est la bataille du 27 juillet 1214. Celui qui gagne détermine l'avenir de son pays, de toute l'Europe. Bataille mémorable, Philippe Auguste gagne. Et les conséquences sont extraordinaires pour la France. D'abord, le système monarchique français se renforce. Très révélateur du sentiment national français qui naît à ce moment-là face à l'étranger anglais et allemand. Car si Philippe Auguste, il a gagné, certes, mais avec sa noblesse, d'accord, mais il a gagné aussi grâce à l'appui des paysans qui, voyant, pardonnez-moi, les Rosbif et les Boches arriver, ont dit, ils sont pas de chez nous, ceux-là, ils vont dégager. Et donc, vous avez la naissance de ce sentiment national au diffus. Il fallait pas demander beaucoup d'élévation. Non, mais ils sentaient, ça pas de chez nous, hop, ça dégage. Bon, et c'est ça. Et c'est donc, c'est le peuple français paysan à 90-95% qui a apporté son concours au roi de France, qui a gagné et sauvé la France et le pouvoir monarchique qui va vraiment s'enraciner. En revanche, catastrophe pour le Othon IV du Saint-Empire qui va être rapidement déposé, qui s'enfuit au Saint-Empire et qui est déposé. Mais les conséquences sont encore plus graves dans le cas anglais. Jean sans Terre, il perd tous les territoires, en gros, donc je vous dis, de la Normandie jusqu'à la Gascogne, qui est territoire qui revient à la France. Tous les territoires, sauf un tout petit territoire qui est resté anglais et qui est un reliquat de cet empire plantagenais. Les îles anglo-normandes, bravo. Les îles anglo-normandes sont le reste, le reliquat de cet empire plantagenais. Philippe Auguste n'avait pas de bateau, manque de peau, et puis bon. Donc, mis à part les îles anglo-normandes qui restent françaises, tout le reste revient à la France. Et Jean sans Terre revient, pardonnez-moi l'expression, la queue basse, en Angleterre, et là, les barons anglais se retroussent à manche et disent « Hey Jean, on n'est pas d'accord ». Un an plus tard, vous avez, juin 1215, la révolte des barons anglais qui impose la Grande Charte. Et c'est un élément capital, car c'est la naissance de l'oligarchie anglaise qui impose, c'est une minorité d'oligarques, de commerçants, de puissants, qui impose à l'autorité politique le droit de faire telle ou telle chose. Alors que Philippe Auguste, lui, il tient les rênes de la finance, il domine. Jean sans Terre et tous les rois d'Angleterre et aux reines d'Angleterre qui suivent après vont être soumis à cette oligarchie qui est parfaitement représentée avec la City de Londres. Je rappelle que la City de Londres, qui est au cœur de Londres, qui a son propre maire, qui lui a les vrais pouvoirs, qui fait à peine 3 km², la City de Londres brasse à peu près 5 fois le PIB de l'Angleterre tous les jours. Pour vous dire, c'est eux qui ont le pouvoir. Quand on a l'argent... Vous savez, il y a deux choses qu'il faut voir dans l'histoire de l'humanité, l'argent et le sexe. Hein. Quand on contrôle les deux... On tient. Je trouve ça, dans c'est quelque chose. Bon. Cette victoire française extraordinaire, 1214, juillet 1200, la bataille de Bouvines, c'est vraiment un tournant. Un tournant, donc, je vous dis, la France vraiment impose sa marque, sa civilisation, son modèle, avec son modèle hérité de Clovis, avec le fameux le baptême de Clovis et le fait que la France... et la fine de l'Église, d'une certaine manière, mais aussi avec un pouvoir politique qui ne se mélange pas avec le pouvoir spirituel. Deux éléments distincts. Bon. Mais les Anglo-Allemands vont continuer. Et vous allez avoir ce qu'on va appeler la première guerre de 100 ans. Première guerre de 100 ans, on dit toujours la guerre de 100 ans. Non. Il faut dire première guerre de 100 ans. Pour vous situer, c'est 1346-1475. En fait, Édouard III d'Angleterre, qui est le petit-fils du roi de France, Philippe le Bel, mais petit-fils par sa mère, veut avoir le royaume de France pour lui, parce que les trois fils de Philippe de Bel meurent sans descendant mâle. Et dans la monarchie française, pour être roi de France, il faut être catholique, né d'un mariage catholique, garçon et aîné. Ce sont ce qu'on appelle les lois de primogéniture. Bon. Et quand un élément saute, on ne peut pas devenir roi de France. Henri IV était protestant, mais quand il se convertit au catholicisme, il a pu devenir roi de France. En revanche, il a pu devenir roi de France parce qu'il était né d'un mariage catholique, il était catholique. Il serait né d'un mariage protestant, il sautait. Donc vraiment, ils sont des lois. La monarchie britannique a des lois beaucoup plus souples, mais qui, elles, obéissent aux lois de la City. Bon, un portefeuille. Et donc, Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel, mais par sa mère, Isabelle, dit « Le royaume de France est à moi, c'est moi le roi de France ». Et ben, en face, on n'est pas d'accord et on donne le pouvoir en fait. Philippe le Bel avait un frère et ce frère avait un fils et ce fils va devenir roi de France. Donc c'est toujours la branche capétienne de mal en mal. Et ce Édouard III ben, va se rebeller et va conquérir la France. C'est la fameuse bataille de 1346 avec Crécy et qui va perdurer avec 1415 à Azincourt. En fait, vous allez avoir une conquête de la France par la force militaire anglaise, et la France va devenir une province, une colonie. Les Anglais ont une vision coloniale des choses, ont toujours une vision coloniale, soit territoriale, soit financière des choses. Et donc l'Angleterre contrôle la France, et il y a le dernier bastion qui reste, c'est Orléans, avec le malheureux roi de Bourges, le dauphin qui allait devenir Charles VII, qui n'était même pas sûr d'être le fils de son père. Et vous avez cet événement extraordinaire, à la fois spirituel et politique, avec Jeanne d'Arc, 1429, où vous avez cette jeune fille de 17 ans, et je rappelle que vous avez un livre extraordinaire de Louis Hubert Rémy, de sa femme Marie-Christine, qui ont écrit un bouquin sur Jeanne d'Arc, à partir de pièces d'archives, et vraiment un travail extraordinaire du solide, où, outre le fait de mettre à la porte les Anglais de France, elle permet le sacre du roi de Bourges, donc Charles VII à Reims, mais elle rappelle le baptême de Clovis, qui est que le Christ est le vrai roi de France, et que le roi de France n'est que le lieutenant du Christ. C'est ça le fond de l'histoire. C'est ce qu'on appelle, c'est le fameux document de la triple donation du 21 juin 1429, où Sainte Jeanne d'Arc, il ne faut pas dire Jeanne d'Arc, ça c'est terrestre, Sainte Jeanne d'Arc, c'est pour marquer le lien avec le ciel. Sainte Jeanne d'Arc rappelle dans un élan estatique « Charles, je prends ton royaume, je le donne à Jésus, et moi, Jésus, je rends le royaume à Charles. » C'est la triple donation. Et cet événement historique a été codifié dans un document durant l'été 1429 pour le pape Martin V. Il est aux archives du Vatican, c'est le Brevarium Historial. Tout y est, extraordinaire. Mais ça, on n'en parle pas, évidemment. On a le résumé de la science politique française dans cette histoire. Et celui qui va vraiment mettre à la porte les Anglais, après Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, c'est Louis XI, l'universelle araignée, araigne dans le langage de l'époque, avec le traité de Piquigny, 1475, qui vraiment met fin à la première guerre de 100 ans. Donc on voit, nous sommes à la fin du XVe siècle, que les rois de France ont toujours été, pardonnez-moi l'expression, emmerdés par le monde germanique, le monde anglo-saxon, qui cherche à tout prix à s'accaparer le royaume des Lys. Eh bien, ça ne s'arrête pas là. Car cette lutte va continuer à partir du XVIe siècle, et on peut donner une période 1525 avec François Ier Pavie, la défaite de Pavie, jusqu'en 1648 avec le traité de Westphalie. 1525, c'est quoi? C'est un empire germanique dirigé par Charles Quint, qui, du fait des héritages, possède tous les territoires qui entourent la France. Donc le nord, l'est, l'Italie, ce qu'on appelle l'Italie, et toute la péninsule ibérique. La France est encerclée. Et Charles Quint, ben, il voudrait faire la soudure de tout ça et faire la peau du roi de France. Et François Ier va tout faire pour empêcher cela. Et il va réussir, enfin, il va freiner le processus. Et en fait, cette politique va être poursuivie par tous les rois de France au XVIIe siècle, mais aussi avec Louis XIII et Richelieu. Et vous avez cet événement capital qui est un tournant dans la mise au pas du monde germanique. C'est le fameux traité de Westphalie de 1648, où le monde germanique est éclaté en 350-400 royaumes, duchés, principautés, comme l'a dit plus tard un ministre allemand, un Saint-Empire ressemblant à une mosaïque disjointe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'autorité politique. Et là, la France a réussi, jusqu'à la Révolution française, à mettre le holà, ou en tout cas le calme, dans toute cette zone du Saint-Empire romain germanique. Mais vous avez au même moment, ou en tout cas la fin du règne de Louis XIII et de Richelieu, une nouvelle menace qui va surgir avec l'Angleterre. Et c'est ce qu'on appelle la deuxième guerre de Cent Ans, 1688. Là, on est au règne de Louis XIV avec la Ligue d'Augsbourg, 1815, Waterloo, Napoléon. En fait, vous avez deux choses durant cette période. Où vous avez le monde germanique du Saint-Empire qui a été fracassé. Mais vous avez, en dehors de ce monde germanique, vous avez l'Autriche des Habsbourg qui va essayer d'imposer une unification de ce monde germanique. Et là aussi, la monarchie française va devoir, et Louis XIV, c'est ça en particulier, à mettre le holà. Mais vous avez, et ça c'est un événement capital parce qu'on vit sur cet élan néfaste, vous avez la politique de l'Angleterre, la politique coloniale, où vous avez la conquête de l'Amérique du Nord. Conquête de l'Amérique du Nord, continent immense, et les Français et les Anglais sont en lutte à couteau tiré. La première colonisation anglaise, c'est Jamestown en 1607, et puis les Français arrivent un an plus tard, 1608, avec Champlain. Et malheureusement, dans cette lutte, eh bien, ce sont les Anglais qui vont avoir le dernier mot, qui vont réussir à peupler l'Amérique du Nord, et vous avez le fameux traité de Paris de février 1763 qui impose la mainmise anglo-saxonne sur l'Amérique du Nord. Le problème, c'est que l'Amérique du Nord, c'est un continent immense, des richesses immenses. Bon, les Indiens qui ont été trucidés par les Anglais, mais les Anglais protestants sont archi-racistes. Vous savez, c'est très révélateur. Durant les guerres entre Français et Anglais en Amérique du Nord, mis à part une tribu, toutes les tribus indiennes étaient du côté français. Et il faut dire qu'après, quand les Français ont été battus, qu'est-ce qu'ils ont ramassé les Indiens ? Je rappelle, c'est toujours bon de rappeler ça, vous avez eu déjà l'Acadie qui n'existe plus, c'est Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse. L'Acadie qui a été perdue par la France au temps de Louis XIV, au traité d'Utrecht de 1714, qui a été donnée aux Anglais. Les Anglais, en 1755, ont organisé un génocide. C'est qu'on n'appelait pas déportation parce que le mot n'existait pas, mais qu'on appelait le grand dérangement. Vous aviez 12 000 Acadiens, paysans catholiques, et la haine du protestantisme anglais nourrie de l'idéologie maçonnique, parce que ces deux éléments se sont additionnés. Je rappelle que la maçonnerie anglaise est née en 1717. Les 12 000 Acadiens ont été déportés. Un tiers a été déporté dans ce qu'on allait appeler les États-Unis, donc ils se sont perdus dans la masse ou sont morts de faim, de souffrance. Un autre tiers a pu se réfugier en Louisiane, et Acadien, c'est devenu Cajun, c'est la déformation. Et le dernier tiers, parce que les Acadiens d'aujourd'hui sont 250 000, ils descendent d'où ? Eh bien, ils descendent des 4 000, 5 000 Acadiens qui, voyant les Anglais arriver, se sont réfugiés dans les forêts. Mais ils se sont réfugiés avec leurs vêtements, point. Ils ont été sauvés par qui ? Par les Indiens. Les 250 000 Acadiens descendent des 4 à 5 000 Acadiens qui ont été sauvés par les Indiens. Donc ça prouve les rapports d'amitié entre Indiens et Français, parce que si vraiment les Français avaient des pots de vache, les Indiens auraient réglé le problème. Donc c'est révélateur. Mis à part des cas individuels de Français salauds pots de vache, je vais choquer peut-être certains, mais je crois que j'ai déjà choqué à Hop. Il vaut mieux être colonisé par les Français que par les Anglais ou par les Allemands. Parce que comme racistes, les Anglo-Allemands, il n'y a pas mieux. Hein. Parce que les aborigènes d'Australie, les Maoris de Nouvelle-Zélande, 90% éliminés. La France n'a jamais éliminé des 90% de population. Le seul génocide en France, c'est la Vendée. Et ce sont des Français qui l'ont fait. Bon. Contre d'autres Français. Bref, la perte de l'Amérique du Nord par le fameux traité de Paris du février 1763, est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que l'Amérique du Nord, c'est un continent immense, des richesses immenses, au service d'une idéologie maçonnique, le monde anglo-saxon, et on y est encore. Imaginez une Amérique du Nord peuplée par des Français, non pas sur ce principe maçonnique protestant, l'avenir du monde était complètement modifié. Et là, on a perdu, vraiment, l'humanité a perdu avec cette défaite française en 1763. Bon. Sur ce, il y a quand même une chose que je vais préciser, parce que je crois que ça n'a jamais été fait, pour comprendre les liens germano-anglo-saxons. Je vous dis, l'amitié franco-allemande, foutaise, hein, bon, sauf un coup dans le nez, d'accord. Les liens dynastiques anglo-saxons allemands sont très importants. Et en particulier, et d'ailleurs c'est ça qui permet de comprendre pourquoi ces anglo-allemands se sont toujours acharnés contre la France. Vous avez, en janvier 1715, un document extraordinaire rédigé par Louis XIV. Je rappelle, Louis XIV meurt en septembre 1715. Louis XIV n'a plus que quelques mois à vivre. Il y a eu plusieurs guerres. Et il fait un bilan de la situation peu de temps avant de mourir. Et il rédige un document à l'ambassadeur de France en Autriche, l'Autriche d'Habsbourg, qui s'appelait le comte du Luc, pour lui dire, écoutez, il va falloir changer notre politique. Nous avons été en guerre pendant des dizaines et des dizaines d'années contre l'Autriche des Habsbourg, qui voulait unifier les Allemagnes, le Saint-Empire. On a réussi à les freiner, on a même rabaissé leur puissance, c'est bon. Mais il y a deux menaces qui surgissent, et il faut avoir l'œil, c'est la Prusse et l'électorat de Hanovre. Alors, évidemment, Louis XIV ne pouvait pas exactement savoir qui allait dominer, mais il avait déjà compris qu'il y avait deux éléments qui allaient flanquer la pagaille. Alors la Prusse a joué un très grand rôle, et on sait que la Prusse a été le moteur de l'unité allemande. Et je rappelle que Louis XIV rédigeait ce document en janvier 1715. Janvier 1871, la Prusse unifie l'Allemagne, Deuxième Reich, dans la galerie des glaces de Versailles, là où Louis XIV avait rédigé son document. Vous voyez la distance, la projection, ça c'est extraordinaire. Ça montre la plasticité de l'esprit de ce vieil homme, Louis XIV, qui était très âgé pour l'époque, il avait 77 ans, très vieux pour l'époque, qui avait compris qu'il y avait une menace. Mais pourquoi il citait aussi l'électorat de Hanovre? Et ça, c'est beaucoup moins connu. Pourquoi? 1714, la reine Anne d'Angleterre meurt, protestante. Haine du protestantisme à l'égard des catholiques, pardon, de la part de la monarchie britannique. Et l'héritier du trône d'Angleterre le plus proche, c'était un protestant allemand qui était l'électeur du Hanovre, l'électeur George, qui va devenir George Ier d'Angleterre en 1714. Il ne parle pas un mot d'anglais. La dynastie anglaise et de langue allemande. Donc on voit tous les liens dynastiques, mais financiers aussi, car n'oubliez jamais que derrière le protestantisme, il y a la finance juive. La finance juive, c'est pas rangé du côté de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Au contraire, là. Bon. Les Rothschild, ils ont fait leur choix. Hein. Bon. Et cette monarchie anglaise de langue allemande va imposer une politique de conquête et de lutte contre la France. Et pour vous montrer les liens entre le monde germanique et le monde anglo-saxon au sein des dynasties qui ensuite déterminent une politique et un comportement, il est révélateur de voir que ce George Ier de langue allemande, qui devient donc premier roi d'Angleterre à cette époque, en 1714, va avoir une descendance directe de mal en mal jusqu'en 1837. Et que la seule descendance après la mort du dernier représentant mâle, c'est une petite fille de son petit-fils. George Ier avait un petit-fils qui s'appelait George III, et qui est d'ailleurs le premier à parler l'anglais, pour vous dire comme vraiment les liens germaniques étaient profonds à la cour d'Angleterre. Et ce George III, marié à une princesse allemande qui s'appelait Mecklenburg-Strelitz, a une fille qui s'appelait Victoria, qui est née en 1820 et quelques, qui est la reine Victoria. La reine Victoria, en fait, qui va devenir reine d'Angleterre en 1837 et va mourir en 1901, c'est une princesse allemande, d'ascendance allemande, que ce soit côté paternel, maternel, et qui va épouser son cousin, un Saxe-Cobourg, un autre prince allemand, le prince Albert. Et donc, c'est très intéressant de voir que les liens entre la finance et le monde politique anglais et allemand, c'est comme ça. C'est comme ça. Et cette famille royale britannique allemande qui s'appelait les Saxe-Cobourg vont s'appeler Windsor qu'à partir de 1914. Il faut vraiment bien comprendre ça parce que les liens germano-anglo-saxons sont des liens aussi dynastiques. financier et dynastique. En fait, c'est germano, anglo-saxon, juif. Et Bismarck, par exemple, Bismarck, le financier de Bismarck, c'était Bleichröder, un juif, très lié à Rothschild. Rothschild, très lié à la famille britannique, à la famille royale britannique. Donc on voit tous ces liens. Et donc pour comprendre la politique de ces pays-là, il faut comprendre les mariages et les origines ethniques des cours royales. Ils ont épousé des Marocaines ou des Finlandaises. Hein. Bon, ils ont épousé des gens bien précis. Bon. Napoléon Ier est la dernière tentative pour mettre à bas cette hégémonie anglaise et allemande. Alors la Prusse a été abattue à Iéna en 1806 ou 7, je ne sais plus. Et l'Angleterre a la peau de la France, d'abord à Trafalgar. D'ailleurs, je terminerai par une petite anecdote sur Trafalgar qui est fort révélatrice de la soumission de la France au monde anglo-saxon. Et en 1815, suite aux guerres napoléoniennes, aux guerres de la Révolution, aux guerres napoléoniennes et du génocide vendéen, la France est à genoux. L'Angleterre peut conquérir le monde. Le monde est anglo-saxon, la finance est anglo-saxonne, la langue de travail est anglaise. On vit sur cette défaite. Il y a un livre qu'il faut lire de René Sédillo, qui est sorti dans les années 1989-90, qui s'intitule « Le coup de la Révolution française », où, comme pour les coupes de cheveux, il y a « before et after hein. ». C'est-à-dire que vraiment, vous avez la situation avant 89 et après 1815. La France est rétamée. On ne s'est plus jamais relevé. En dehors de la Restauration qui va de 1815, je remonte jusqu'à aujourd'hui, en dehors de la Restauration 1815-1830, où la France de Louis XVIII et surtout de Charles X a résisté au monde britannique, tous les régimes politiques qui se sont succédés en France ont eu un genou devant l'Angleterre. La monarchie de Juillet de Louis-Philippe, 1830-1848. Napoléon III, donc 1850 à 1871, face à l'Angleterre. Il a même institué un accord de libre-échange qui a été désastreux pour l'économie française. La Troisième République, qui a été à genoux devant l'Angleterre et qui, en fait, a été le soldat de l'Angleterre durant la Première Guerre mondiale. Il ne faut jamais oublier que l'Allemagne voulant, ça les Anglais et les Américains n'aiment pas, voulant diriger l'Europe seule, pour le monde anglo-saxon, la France était le soldat qui permettait de parer le choc. Et cette volonté, voyez-vous, je vais vous citer l'exemple de cette volonté de Jean sans terre au XIIIe siècle, ou au XVe siècle, cette volonté d'absorber la France dans une sorte de dominion franco-anglais, eh bien, vous avez une nouvelle tentative dans les années 20 au sein des élites anglo-saxonnes de créer ce qu'ils appelaient un Commonwealth fédératif pour intégrer la France dans ce monde anglo-saxon, dirigé par le monde anglo-saxon. Et c'est allé très loin. 1940, la France prend une fessée. Là, on a quand même pris une déculottée. De Gaulle se réfugie à Londres. Et puis, vous avez eu le 16 juin 1940, lancé par Jean Monnet. Jean Monnet, qui est un mondialiste, qui est mort en 1979, il faut lire ses mémoires, qui est un apatride, sauf pour la finance américaine. Eh bien, Jean Monnet, avec l'appui de Winston Churchill, suite à la défaite française, veut lancer une union franco-anglaise. Appui de Winston Churchill, appui de la Chambre des communes, le même jour, le 16 juin, texte rédigé, et ce texte appelant à l'union franco-anglaise, mais vraiment à un bloc, et en fait une France soumise à l'Angleterre, parce que la France était battue, donc c'était l'Angleterre qui était aux rênes, enfin, qui tenait les rênes. Le dernier président du Conseil de l'époque, qui donc s'appelait Paul Reynaud, reçoit un coup de fil d'un général, le général de Gaulle, qui appuie ce projet d'union franco-anglaise. Et le 16 juin 1940, le général de Gaulle appelle donc Paul Reynaud pour lui dire ceci au téléphone. J'ai lu le texte, qui est sur Internet, hein. Bon. À l'heure du péril où se décide la destinée du monde moderne, les gouvernements de la République française et du Royaume-Uni font cette déclaration d'union indissoluble et proclament leur inébranlable résolution de continuer à défendre la justice et la liberté, bon blabla, qui abaisse l'homme à vivre une vie de tomate. Les deux gouvernements déclarent que la France et la Grande-Bretagne ne sont plus désormais deux nations, mais une union franco-britannique. C'est De Gaulle qui soutient ce projet. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Très peu connaissent cette histoire. Que De Gaulle a essayé ensuite de... Il a mis un... Bon. La constitution de l'Union, instituera des organes communs pour la défense et la direction de la politique extérieure. Chaque citoyen français jouira immédiatement de la nationalité britannique. Chaque sujet anglais deviendra citoyen français. Les deux pays porteront ensemble la charge de réparer les dévastations de la guerre, bon blabla. Les deux parlements seront formellement associés. Les nations de l'Empire britannique forment déjà de nouvelles armées et la France maintiendra ses forces sur terre, sur mer et dans l'air. L'Union franco-anglaise fait appel aux États-Unis pour qu'ils renforcent les ressources économiques des alliés et pour qu'ils apportent leur puissance aide matérielle à la cause commune. L'Union concentrera toutes ses énergies contre la puissance de l'ennemi en quelques lieux que la bataille se poursuive. Et ainsi nous vaincrons. Et donc c'est très intéressant de voir que De Gaulle a soutenu ce projet d'Union franco-anglaise qui était la mise à l'encan de la France. Alors d'accord, vous me direz, c'était une situation particulière. Mais imaginez l'Allemagne nazie vaincue, vous voyez les Anglo-Américains dire « Bon, maintenant, c'est bon, on vous rend votre liberté. » « Ah non, vous êtes dans notre poulailler et on vous sert le kiki. » Et c'est très intéressant, le débarquement américain, anglo-américain, canadien en juin 1944, les Américains et Roosevelt, qui détestait De Gaulle, ils ont voulu imposer à la France l'AMGOT. L'AMGOT, c'est le sigle en anglais du gouvernement militaire allié pour les territoires occupés, qui sabrait la souveraineté française, où les billets, la monnaie française, étaient fabriqués par les Américains. Donc en fait, on a failli passer sous la férule anglo-américaine. Et là, il faut reconnaître, De Gaulle s'y opposait. Il faut dire aussi que l'Allemagne nazie ayant été battue, il s'est dit, là, j'ai ma carte à jouer. Donc, il s'est récupéré. Mais il est toujours intéressant. On dit toujours que De Gaulle s'est opposé à l'AMGOT, et je veux dire merci. Mais on oublie un peu trop le texte du 16 juin 40. Et là, bon. Mais ce qu'on ne sait pas, je vais terminer par... C'est ça que je vais vous faire comprendre, cette volonté d'assujettissement de la France aux forces anglo-américaines et allemandes. C'est le dernier en date... Enfin, l'avant-dernier, puisqu'on vit le dernier chaînon, l'avant-dernier en date, c'est quand le président du Conseil français, Guy Mollet, le 10 septembre 1956, est allé à Londres voir le premier ministre anglais de l'époque, Eden, pour créer une union franco-anglaise. Car vous avez des problèmes avec Nasser, le canal de Suez, et Guy Mollet, qui était un anglophile, un anglolâtre même, va proposer à Eden une union franco-anglaise. Et le premier ministre anglais va habilement dire « Écoutez, les Français auront du mal à rendre hommage à notre reine ». En revanche, s'ils intègrent le Commonwealth, il n'y a pas de problème. Et puis, les choses ne se sont pas faites parce qu'il y avait aussi d'autres problèmes qui ont surgi. Mais c'est très intéressant de voir cette permanence, siècle après siècle, de cette France qui est toujours sur le point d'être absorbée. Alors là, écoutez, ça va être ma conclusion. Là, on est dans ce énième chaînon, cette très longue chaîne, un chaînon particulièrement important dans ce sens que c'est une échelle très large puisque ça couvre l'Europe et l'Amérique du Nord. Nous sommes sur le point d'être absorbés par le monde germano-anglo-saxon, Washington, Londres, Berlin. Je rappelle les propos du fondateur de la Pan-Europe en 1950 qui disait déjà, j'ai tout le discours dans ce livre, qu'il faut créer une union atlantique, une fédération à trois, ein Dreierbund, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Donc on voit déjà cette volonté de remettre ça. Et cet assujettissement de la France au monde anglo-saxon, il y a quelquefois des détails révélateurs. 2005, c'était le bicentenaire de deux batailles. Octobre 1805, Trafalgar. Et décembre 1805, c'est Austerlitz. On a fêté le bicentenaire, mais comment on l'a fêté? Octobre 2005, gouvernement Chirac a participé à la fête bicentenaire de Trafalgar. Alors que c'est là où on a pris la déculottée. Et c'est ça qui a empêché Napoléon d'envahir l'Angleterre. Sincèrement, j'aurais aimé qu'ils puissent le faire. Les Anglais s'en auraient fait les pieds. Ça leur manque une invasion. Et bien, le gouvernement Chirac a participé au fait du bicentenaire de Trafalgar. Notre défaite. En revanche, le bicentenaire d'Austerlitz, qui est quand même le génie militaire de Napoléon, le gouvernement Chirac a refusé de participer. Alors, il a envoyé à Lyon-Marie pour faire la figuration, ils ont vu les dents, c'est tout. Voilà, c'est quand même révélateur, mais en fait, c'est... Vous savez, François Hollande, lorsqu'il a fait son discours durant la période électorale où tout le monde croyait en lui, « Mon ennemi, c'est la finance. » Le lendemain ou le surlendemain, il est allé où ? À la City Baudet. Il a dit, en gros, écoutez, c'est pour les... C'est mes connards d'électeurs, bon, je les... Mais, rassurez-vous, ben oui, la City a le pouvoir. Et quand on a l'argent, on a le pouvoir. Donc, que dire en guise de conclusion dans cette situation noire, sombre ? Nous vivons, il y a la crise économique, la dette en Europe et aux États-Unis, catastrophique, ce qui se passe au Proche-Orient, la Syrie et la Turquie, l'attentat, il y a quelques jours de ça, à la frontière syrienne, que j'appelle le syndrome de Gleiwitz. Gleiwitz, c'est le 31 août 1939, où des Allemands déguisés en Polonais ont attaqué une station allemande et ont attribué cette attaque aux Polonais. Ça a justifié donc l'attaque allemande. Et ça, ça sent le même coup fourré, parce que je ne vois pas Assad se flinguer comme ça, ou bien vraiment, il serait idiot. Ça sent le Gleiwitz. En fait, on voit une volonté de mettre le feu partout. Et dans le malheur, c'est peut-être la chose qui doit nous faire espérer, c'est que le système, avec la crise, on est sur Terre, rien n'est parfait, en bien comme en mal. Et on peut espérer, dans le désordre, dans le chaos, en sachant qu'on va payer le prix fort, qu'il y ait, et c'est mon intime conviction, que le système, il lui échappe des éléments qui permettent de lui flanquer un uppercut dans la figure. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir tout contrôler. On ne contrôle pas tout. La nature humaine, elle est diverse, qualités, défauts. Et je pense toujours à ce film extraordinaire, j'ai plus le titre en tête, avec Jean-Yann, que j'aime beaucoup, où vous avez la terre qui est conquise par les Chinois. Chinois à Paris ? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. La férule chinoise, c'est là. Hein. Mais à un seul pays, avec les gouverneurs chinois qui imposent leurs lois, mais un pays où ça foire, c'est le gouverneur chinois en France, lui, il y a les femmes, l'alcool, la bouffe, il est heureux, et donc ça foire. Et c'est l'imperfection du système. Et c'est la France qui permet de sauver la France, finit l'Église, et c'est le renouveau qui viendra par là. Je vous remercie. C'était Pierre Hilard. La France doit être aux germano-anglo-saxons. Conférence organisée le vendredi 17 mai 2013 à Lyon par l'organisation Égalité et Réconciliation de Lyon. Fichier audio fourni par MP3 Résistance. Juste avant cette conférence, un entretien a été réalisé par infolibre.fr. Pour écouter cet entretien, cherchez sur le site MP3 Résistance ou tapez sur un moteur de recherche les mots-clés suivants. Pierre Hilard. Entretien. Vendredi 17 mai 2013. Lyon. Infolibre.fr. Cet entretien est également disponible en fichier audio. Format MP3 et autres.